Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fèves le matin, votre podcast coquin et votre seul et unique radio poubelle homosexuelle de gauche! Bonjour! Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin, puis là, moi, je veux pas que mon statement le plus impactful, ce que je lègue dans le monde, ce pourquoi on se souvient de moi, c'est que je calisse pas mes plats chauds dans mon frigidaire, là. Arrêtez de m'en parler, c'est pas grave, là. Là, j'ai dit ça de même, on s'est un peu pogné sur la situation. Moi, si vous voulez sortir votre lasagne direct de votre four puis la calisser direct dans le fridge, ça ne me regarde pas. Vous faites ce que vous voulez dans votre cuisine. Vous pouvez agir comme des hosties de pas d'allure, puis je vais vous juger en silence. My God, parlant de poubelle homosexuelle, moi c'est Jess PVM, grande bipolaire, non-binaire, maniaco-dépressive. C'est tout ça, bipolaire, ce que j'ai dit en premier, maniaco-dépressive en deuxième, mes deux grandes maladies. Mm-hmm. Je répète des synonymes, comme ça je cumule plus de clout. Parfait. Puis, j'essaye là de te parler de genre c'est quoi ton statement pour lequel t'es retenu, genre ouais. Je me demande ce serait quoi le mien, genre les moons s'il vous plaît, je... Votre quote. C'est that's quoi votre quote de moi, genre? Je veux savoir. Je veux savoir. Moi, écrivez-nous. En tout cas, je suis content de soulever les passions. Écrivez-nous, genre. Hashtag cracher dans le trou. Oh my God, aussi. Mais là, je te l'ai raconté. Je t'ai envoyé un voice clip pour ça, mais pour vrai, c'est trop bon. Il faut que je le dise. Esti, au bordel, j'arrive pour faire mon number. Puis l'animatrice me présente. Puis elle comme peut-être que vous le connaissez, Deux Fifs le matin. Puis il y a juste une fille qui crie ah, Deux Fifs le matin, j'y connais. C'est-tu Jess PVM ou c'est l'autre? J'ai vraiment crié, j'étais comme bitch, c'est l'autre! Oh my God. C'est trop bon. Ouais. Avez-vous déjà été pas mémorable sur votre propre podcast? Ouais. Parce que moi, ça m'arrive souvent. Moi, maintenant, moi, on me connaît soit comme l'autre, ouais. Soit celui qui laisse dire ouais. Ses plats avant de les mettre dans son oui. Frigo. En tout cas, oui. Moi, quand, merci, bonne journée aujourd'hui. Quand je parle de toi maintenant, je dis l'autre. Ouais. Ah! Ouais. J'anime un podcast avec l'autre, là. Oh my God. Mais parlant des autres. Parlant des autres. On n'est pas tout seul. Et qu'on n'est pas tout seul. On est full tablé. Ah, full tablé quand même. Full tablé. On est avec Lou, a.k.a. La Femme, artiste numérique, facilitatrice d'atelier, DJ et membre de la House of Barbara. Allô, Lou. Hey. On est aussi avec la DJ, productrice, MC, travailleuse communautaire et membre, then again, de la House of Barbara. Ça, y en a, Barbara. Salut tout le monde. Je Bonsoir. Suis ici ce soir. Avec nous. Oh, hey! House of Barbara représente ben, quand même. That's quand it. Même sur ce podcast, je suis quand même assez proud of it. Allô? Bravo. Comment ça va, la gang? Mal. Ouais. Ouais. Ah, c'était une longue journée, hein? C'était une longue journée. Ouais. Parfait. Ouais. On a un consensus, on n'a pas atteint l'idéal d'un monde où ça va mieux. Non, donc non, on rush. Littéralement. Voilà. C'est pas facile. Au moins, aujourd'hui... On parle all things ballroom, baby! Hey, enfin! Mmh. Cet épisode tellement demandé par la communauté des moons. La communauté des moons, si j'ai encore des références au Seigneur des Anneaux, ça revient, c'est Chris. La communauté de la nuit. On jase de tout ce que vous avez envie de savoir, je vais le dire. That's it. C'est moi qui vais le dire. Dis-les, ben, dis-les sacrement. On jase de tout ce que vous avez envie de savoir sur la scène ballroom internationale et montréalaise. On pose des questions à Raphaël que vous n'osez jamais poser sur la culture ballroom de peur d'avoir l'air d'innocente. Oui, ça va être nous autres, ça, les innocents. Ça va être nous, les innocents. On va se sacrifier pour la communauté. On l'a déjà fait. On est déjà des cochonneries, des vidanges, des déchets. Ouais. On peut-tu. Et on discute de l'impact. Je reviens à notre intro. Et on discute de l'impact de la culture ballroom sur la culture queer. Et c'est en duck walkant qu'on s'en va se chercher un café. That's it. J'ai peine trop mal au dos, j'ai pas de corps. Non, mais pour vrai, est-ce que mes jambes plient pas? Est-ce que ça plie pas pour vrai, là, gang? Là? Moi, quand les gens me demandent quel âge que j'ai, je leur réponds tout le temps, ça dépend à laquelle partie de mon corps tu adresses. Genre, mes genoux ont 57, mon dos 75. Ouais. Oui. Ma face a visiblement 45, mais ça, dites-moi les pas parce que c'est vraiment blessant. Ouais, fait qu'on s'en va plier ce qu'on peut de jambes, puis on va plier au feu caféiné. Avec une entorse lombaire. Et c'est comme ça qu'on a découvert que... Aïe aïe. Ça peut faire mal. Aïe aïe. Ça fait mal. Le dark web, c'est pas facile, tout le monde. Ouais, YouTube. Ouais, des articulations, c'est le fun quand ça fonctionne. Fait que. Parce qu'encore une fois, on peut pas vous montrer. Non. Ça fait mal que ça, tout le monde. On a vraiment essayé fort, là. Ah oui. Mais oui, dans cette pause, là, tout le monde peut. Hein, tout le monde autour de la table peut témoigner qu'on a vraiment essayé. Genre, on des était soufflés. Pis tout, pis. Non, c'était super. Honnêtement, le 10 on 10. Hein? That's it. Hein? On a rien que des 10 10 across the board. Ouais, Danilo et Tony. OK. On sait que l'univers ballroom a émergé de la scène cutie bebop new-yorkaise des années fin des années 60, début des années 70. Mm-hmm. Je pense qu'on peut dire que ça a percé une première fois dans les années 90 avec Vogue de Madonna. Et là, en ce moment, il y a comme un boom. Ça connaît une visibilité internationale sans précédent, que ce soit sur les scènes locales ou sur les ondes de la télévision nationale. Il y a de la scène ballroom. On dit ballroom, on dit culture ballroom, Vogue, Vogue in culture, on mélange tous ces termes-là. Pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça, pour les personnes qui sortent d'en dessous de leur roche pour la première fois cette année, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est le la culture? Ballroom. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Le ballroom, c'est... Grosse question large. Non, c'est très large, mais en même temps, c'est la plus grosse question, c'est la question importante. Mm-hmm. Le ballroom, c'est une subculture, donc c'est une subculture qui a comme tu as dit, émergé à New York dans les années 70, plus tôt dans les années 70, mais qui a émergé et qui est devenu plus grosse avec les années, dans les années 80, dans les années 90, avec Madonna, Malcolm McLaren. Ouais. Oh, donc, oui, toutes ces personnes-là ont fait des chansons qui ont comme utilisé une des catégories. Donc, justement, c'est comme une compétition entre les personnes queer, les personnes trans qui étaient dans Harlem, dans Brooklyn, dans les quartiers, en fait, où il y avait plus de personnes noires, latinos, tout à New York. Et en fait, c'était un rassemblement de catégories pour gagner, en fait, des prix. Avant, c'était pas de l'argent, mais plus de la d'être connu dans une, tu sais, dans une culture, dans une communauté, justement parce que les personnes étaient tellement isolées dans leur communauté, surtout dans les années 80, dans les années 70. Ouais. Mais c'est une culture qui a continué, en fait, qui a eu des hauts, des bas. Et en fait, je pense que la nouvelle génération, c'est important de comme parler de où ça vient et tout. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a différentes catégories, il y a des prix à gagner. Et en fait, c'est très artistique. Oui. Et ouais, je pense que c'est ça, une grosse description de c'est quoi, du genre général, mais c'est sûr qu'il y a le beaucoup résumé, plus ça. Là, ouais. Ouais, exactement. Ouais, parce que on va revenir sur les catégories. Exactement. On va détailler tout ça, c'est ça, pour les personnes en dessous de la roche. Ouais. Mais moi, je rajouterais que c'est un lieu où ça permet aux personnes queer et trans d'être comme célébrées, d'être centrées, parce que justement, elles sont tellement marginalisées dans le monde de tous les jours à l'extérieur, le monde mainstream, effacées, opprimées et tout, que le ballroom, c'est comme « their moment to shine ». Donc, les catégories aussi servent à ça, de comme, OK, genre, dépasse-toi pour comme, genre, te montrer sous ton meilleur angle, sous ton meilleur jour et de gagner un prix dont t'es reconnu. Ouais. Donc, c'est vraiment genre, t'es mis sur le podium. Et aussi, je voulais dire que, comme tu disais, les gens l'appellent ballroom, scène ballroom, voguing culture, je pense que comme... Selon moi, le mot « voguing culture » vient justement de parce que ça a été popularisé par Madonna avec la chanson « Vogue ». Donc là, on a un peu comme généralisé le ballroom en disant « voguing culture ». Comme quand les gens pensent à « voguing culture », they're like « oh yeah, ballroom ». Mais en fait, « vogue », c'est une catégorie. Comme... C'est seulement une catégorie dans la culture. Puis comme tu l'as très bien expliqué, c'est une place où on peut se démarquer. Puis je pense que pour beaucoup de personnes, ça devient un endroit qui est important en fait pour les personnes trans, pour les personnes queer, et qui devient vraiment compétitive même des fois. Et non, ça devient vraiment. C'est un monde où il peut avoir beaucoup de shade, il peut avoir beaucoup de trucs, mais aussi il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de solidarité dans une même house. Mais I'm gonna say the shade later, so on va garder ça pour plus tard. Tu peux en dire maintenant, plus tard. Non. Ça peut être je sais quand je vais les mettre. Il n'y a pas de maximum. Mais c'est ça, mais justement, l'univers ballroom est quand même assez, assez codifié, ce qui fait qu'il est intéressant à récupérer parce que tu peux le mettre à plein de sauces. Mm-hmm. Tu sais, mettons, genre, quand tu fais juste faire une tune qui s'appelle ouais. Vogue, genre, t'extirpes quelque chose qui est intéressant hors de son contexte, puis genre, tu fais de quoi avec, mais t'as moyen de faire ça avec plein d'affaires, comme on le fait avec le jargon, comme on le fait avec des expressions, des mm-hmm. trucs. Mm-hmm. Il y a aussi le fait que ça fonctionne en house, en fait. On l'a nommé. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui est pas nécessairement intelligible du premier coup pour les gens parce qu'on se dit, non, ah, OK, tu sais. Parce que aussi, je sais pas, là, tu sais, mettons dans l'univers drag, c'est assez simple de faire comme, ah, OK, la mère d'un tel, puis genre, ils s'entraident, that's it. Ouais. Qu'est-ce qui caractérise les house dans la scène ballroom? Donc, les house, c'est quelque chose de très important à comprendre dans la culture ballroom. Les house sont nés, en fait, avant ballroom, en fait. Ouais. Oui, non. Ça vient du monde du drag, mais ça, en fait, ça a changé de connotation quand c'est venu au monde ballroom. Ouais. Donc, quand, en fait, la personne qui a commencé le ballroom, c'est Crystal LaBeija, dans les années 60, qui était après avoir pété une coche. Exact. Pété une coche sur la caméra et tout, mais c'est arrivé en plusieurs étapes, en fait. Et elle était déjà LaBeija, qui est devenue une house. Une house, en fait, c'est vraiment comme une famille choisie. Donc, quand on parle vraiment de New York dans les années 80, pour vous parler d'une ville qui est presque en faillite, une ville qui est violente, une ville qui est dure à naviguer et tout. Donc, pour les personnes trans, pour les personnes queer dans ce temps-là, surtout dans le monde où le VIH était encore mortel et tout, c'était une vie extrêmement dure pour certaines personnes. Ouais. Et ces personnes-là avaient vraiment besoin d'un outlet pour pouvoir vivre leurs émotions. Les house étaient vraiment une place sécuritaire pour les personnes pour vivre ensemble. Donc, on voit vraiment un moule familier quand ça vient à la mère, au père, aux jeunes et tout, et à cette, en fait, legacy de trucs. Donc, il y a des houses qui ont commencé dans les années 60, il y a des houses qui ont commencé dans les années 70, 80, 90, et jusqu'à maintenant, il y a des houses qui se créent. Et en fait, une house, c'est vraiment une structure familiale. Donc, comme j'ai dit, dans les années 80, on voit des jeunes 12 ans, 14 ans dans la rue. Donc, c'est sûr qu'il y a cet instinct familier qui vient. Maintenant, je voudrais dire que c'est encore la même chose. Donc, dans plusieurs houses, il y a un instinct familier. Il y a encore des personnes queer, des personnes trans qui sont à eux-mêmes, en fait, très jeunes. Donc, c'est sûr que ça vient en aide à ça. Donc, il y a même un côté communautaire à ça. Mais aussi, on voit, comme on va parler plus tard un peu, du mainstream, qui a comme aussi changé un peu la connotation. Donc, on a des houses qui sont un peu moins motivés par ça, mais plus pour l'idée d'avoir une house. Ça a été beaucoup romantisé. Ouais, je pense que ça, c'est très romantisé, c'est très tout ça, mais je pense qu'il y a des houses qui sont genre très organiques, genre comment ça se forme et tout. Ouais. Moi, je rajouterais que justement, comme dans le temps où le VIH était encore très mortel et tout, et que la vie était dure à New York et tout. Et déjà, d'être une personne queer et trans, à la base, comme t'es plus marginalisé, donc ta vie est plus difficile. Mm-hmm. Donc, c'est très commun que ces personnes-là vont perdre leur famille biologique, vont vivre... Oui, c'est ça, c'est pas rare. Non, exactement. Donc, c'est parce que chosen family, aujourd'hui, c'est tellement utilisé de manière commune. Même les gens qui ont comme encore leur famille, c'est comme, oh, ma chosen family, mes amis et tout. Mais... je pense qu'il y avait un sens encore plus fort à une certaine époque où c'était commun pour les personnes queer et trans de couleur de se retrouver à la rue ou de vraiment être ostracisé par leur famille biologique et d'avoir actually besoin de comme un support familial mais non biologique, donc d'où le terme de chosen family. Et donc une house venait vraiment répondre à ce besoin. Et donc, comme je disais, le ballroom, c'est une scène qui célèbre les personnes queer et trans et leur donne comme un podium, mais ça leur donne aussi une famille. Donc, c'est vraiment comme de leur donner comme les ressources manquantes que le monde extérieur ne leur donne pas. Oui, parce que le ball lui-même, c'est juste une partie de la culture. C'est, je veux dire, le monde passe par leur vie. Catégorie, ben, ça serait très Non, mais c'est justement, je pense que c'est ça qui est qu'il y a comme un clash de réalité. Je pense que surtout à Montréal, ça a été un gros clash de réalité que je vais parler plus tard dans l'émission. Mais comme je pense qu'il y a certaines houses, comme je pense que tout le monde peut coexister, mais en même temps, je pense qu'il y a des houses que encore là, c'est comme genre tu peux voir que ça vient du genre romantisme de genre I'm queer and marginalized and genre I need a house. Mais comme vraiment, il y a des jeunes même à Montréal qui ont encore besoin de ce support là. Et comme ça existe encore, mais je pense que comme tu as dit très clairement, avant, c'était beaucoup plus... Comme dans l'esprit, c'est dans comment ça a été créé et tout. Parce qu'aujourd'hui, justement, je dis que ça a un peu perdu son sens. Mais pas perdu son sens, mais que c'est plus commun de voir la version romanticisée. Ouais. Non, moi, je dirais le contraire. Je pense qu'on peut encore beaucoup le voir. Ça dépend juste de la ville et de la démographie de la ville. Honnêtement, sadly. Un excellent segue. Parlant des différences entre différentes scènes, de différentes villes, puis de comment que ça peut amener une saveur différente, une vibe différente, une esthétique différente, qu'est-ce qui caractérise la scène à Montréal? Moi, j'espérais que t'allais keep on going différent. Différence avec la ville de Montréal. C'est quoi la particularité locale? Il faut comprendre que comme à Montréal... de ballroom scene. Le ballroom scene qu'on connaît maintenant, j'ai entendu des rumeurs qu'il y avait comme un ballroom scene dans les années 90. Oh, désolé. ADHD. Sorry, I'm not literally. I'm like, I'm sorry. Mais, non, it's real, honestly. Non, mais en fait, c'est ça. Donc, j'ai entendu qu'il y avait parlé qu'il y avait un ballroom scene, mais pas vraiment un ballroom scene. Je pense qu'il y avait plus des comme trucs voguing, whatever. Mais la ballroom scene qu'on connaît maintenant à Montréal, ça fait à peu près 5 ans que ça existe, 5-6 ans. Donc, il faut comprendre que comparé à une ville comme New York, comme Philadelphie, ou Paris même, qui ont des décennies de cette histoire, ça va être très différent. Donc, Montréal, je dirais que ce qui nous définit pour de vrai, c'est la différence. Je pense qu'on a évolué dans une différente époque, ce qui a rendu les caractéristiques du ballroom différentes. Je veux dire, par exemple, je pense que le ballroom peut être très binaire dans certains espaces, quand ça vient au genre, par exemple. À Montréal, je pense que c'est quelque part qu'on s'est vraiment démarqué et je pense qu'on a même eu la controversie. La controverse sur ça. De la chicane. Exactement, avec d'autres villes. Juste parce que, tu vois, genre, je pense qu'à Montréal, c'est la communauté queer qui est un peu plus alternative est beaucoup plus forte ici. Et je pense que ça a beaucoup débarqué comme en Montréal. On a même eu des catégories realness ou realness qui est, on va en parler, mais qui est une catégorie de passing pour les personnes trans ou drag ou whatever. À Montréal, je pense qu'on avait eu un bar où on a créé une catégorie qui était, obviously, on avait nommé que c'était pas une catégorie originale, mais qui était comme non-binary doesn't have a look, mais pour cette catégorie, vient androgyne, le plus androgyne possible. Donc, c'est quelque chose que je pense qu'à Montréal, on a comme l'esprit de comme vouloir explorer plus des trucs comme ça. Bizarre, qui est une catégorie vraiment bien faite à Montréal. Shout out to Mook 77. Yeah, that really, genre, qui a vraiment comme amené à la ville, genre, je pense que tout le monde de l'international qui vient à nos bars et qui voit la catégorie bizarre, ils sont genre jaw-drop. Because it's just so good. Montreal's artsy and ce genre, tu sais, c'est bizarre. C'est ça, il y a moins le parce que tu dis 5-6 ans, il y a moins l'aspect historique, tu sais, des fois, quand une culture, surtout là, la culture ballroom new-yorkaise est très mise de l'avant, on va en parler tantôt, mais à un moment donné, ça devient self-referential un petit peu. Tandis que quand t'es dans une scène qui est plus nouvelle, qui est plus qui suit pas, parce que tu sais, je veux dire, il y avait des houses qui s'appelaient pas des houses avant, genre, je veux dire, on a toujours eu besoin de famille choisie, c'était juste que c'était moins, c'est ça, non, c'était moins tagué as, on le décrivait pas comme on le décrit maintenant ou comme on le décrit à New York à ces années-là, genre c'est venu un peu plus après. Mais le fait de pas avoir autant de bagages historiques à Montréal, est-ce que ça donne un peu pas de liberté, mais genre est-ce que ça alimente ce désir de changer des affaires ou des fois de provoquer ou... Genre, pour moi, perso, I think, genre, Montréal a beaucoup de travail à faire encore. Personnellement, je pense qu'on n'est pas encore là, mais je pense que ça a évolué depuis de quand je suis rentrée dans la scène, je pense que ça a évolué. Je dirais juste que à Montréal, c'est bien qu'il n'y a pas une barrière historique, mais en même temps, c'est important aussi de comprendre d'où ça vient parce que je pense que ça a justement commencé un peu ici. pas à cause du mainstream. Je pense que c'est vraiment la période où ça commence à être mainstream qu'à Montréal, ça a commencé à apparaître. Mais ça a quand même amené, je pense, et c'est correct, ça a amené, je pense, beaucoup de personnes queer aussi qui étaient pas nécessairement en besoin de comme famille choisie ou quoi que ce soit, mais ils sont venus pour entertainment. Ouais. C'est leur activité parascolaire. Ouais. C'est exactement ça. It's really giving that. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose j'avais que j'ai besoin de quelque chose à faire les jeudis. Là. Ouais, c'est vraiment giving that. Et aussi, comme vous savez comment je vais faire une comparaison avec la musique. Donc, comme le techno qui vient de Détroit et que c'est une culture genre noir à la base, et maintenant ça a été comme, mais là maintenant on le reconnaît genre maintenant, mais comme disons dans les années genre early 2000s, 2010, genre même moi j'écoutais ça, j'avais comme presque aucune idée que c'était une culture noire parce que ça a tellement été comme whitewashed. Donc, like, oh my god, it's Berlin. It's Berlin. Non, c'est allemand. Non, exactement. Literally. And non, people mais, would fight about this. Non, like, pour de vrai. Comme là, je trouve 2022, je pense qu'on est au courant. Là. Ouais. En tout cas. Mais donc, je trouve que comme il y a un petit esprit similaire avec la ballroom scene à Montréal, de comme que c'est récupéré d'une culture à la base qui est comme genre. Afro-centriste ou comme racialized centriste. Moi, personnellement, quand je vais au bal, je suis pas comme le plus à l'aise. Je suis pas comme I'm home now, no shade, parce que c'est comme il y a genre comme je peux comme compter les personnes noires dans la grosse crowd de white passing people. T'sais, donc tout ça pour dire que je trouve que comme à Montréal, il y a quelque chose de comme c'est extrait de la culture originale, mais un peu comme réapproprié d'une manière qui pas nécessairement comme centre les gens qui ont comme comment dire ben les gens qui sont reliés le plus à la culture les personnes noires, les personnes you know, et je pense que c'est justement House of Barbara, on est très direct sur le fait qu'on est une house complètement afro-descendante et que ça va jamais changer, ça va juste être, c'est notre règle, juste parce que ça existe pas à Montréal, un espace comme ça dans le ballroom, Sankofa, I guess, mais c'est en tout cas, shout out to Sankofa, mais non, juste comme, je pense que c'est important aussi de centrer les personnes qui, comme, qui ont commencer cette culture, mais aussi qui ont besoin de cette culture. C'est comme, ça fait partie de la culture historique pour les personnes afro-descendantes, comme, you know what I mean? Yeah. Comme, je pense que nos elders, quand on voit, c'est ça un peu comme qu'est-ce qu'ils ont fait dans un sens. Ouais. Et puis comme, aussi à cause comme du VIH et tout, je pense que la plupart de nos elders ont malheureusement... Oui, on a perdu une génération. Exactement. On oublie souvent les survivants et survivantes, mais Ouais, exactement. Genre, je veux pas dire que tout le monde est parti. Il y a quand même des gens, mais c'est quand même quelque chose que, aussi à Montréal, je sais qu'il y a des personnes noires, trans, qui ont existé. Est-ce qu'ils ont été mis de devant? Ça, c'est une autre question. Mais, C'est cool parce que ça nous amène quand même à la question de est-ce que la scène ballroom, c'est ouvert à tous et toutes? Est-ce que n'importe qui peut show up puis joindre une scène puis commencer de manière indépendante puis peut-être être adopté par une house parce que il y a une crise de gang qui pense que oui, mais tu sais, mais c'est vrai que, non mais c'est vrai que dans le principe oui, mais comme c'est quoi je trouve ça vraiment intéressant le truc de comme but also know your place puis genre qu'est-ce que t'as amené, tu sais, qu'est-ce qu'on en pense? Ben, moi, de mon expérience, ben premièrement, moi la première fois que je suis allée à un bar à Montréal, c'était pré-COVID. C'était genre en janvier et j'avais walk best dress on my own, genre 007. Donc c'était comme vraiment il y avait un ball annoncé et je suis allée, mais aussi de ce que j'ai observé, surtout dans les comme peut-être dernière année ou deux dernières années, c'est comme des personnes blanches qui comme randomly vont monter sur la scène, même pas approprié avec la catégorie qui est annoncée, juste pour comme genre, but no baby, oh no baby, I'm like, ça arrive encore beaucoup, mais je pense que comme sérieusement though, like si t'aurais vu il y a 4 ou 5 ans, je pense que t'aurais été choqué. C'était pire. Oh babe. Ok, les gens se sont calmés. Ça s'est calmé beaucoup. Je pense que maintenant il y a beaucoup plus, genre ça s'est beaucoup plus formé. Donc je pense qu'il y a un plus de protection entre les houses. Je pense que comme les gens ont plus peur de marcher, actually. Okay. Et je le vois beaucoup comme I'm a commentator. Mm. Donc, je fais le hosting. Yeah, that's me. That's me. Yes. Cunt, you know. So, je pense que comme je vois beaucoup... Ça arrive encore. I still see it. Especially dans les gros bars où il y a beaucoup de... Comme une grosse crowd et les gens sont juste comme... Ils veulent juste comme aller sur le stage. Même si c'est la catégorie genre runway où tu dois juste marcher, ils vont comme commencer à genre... battre les bras comme s'ils vont s'envoler comme un pigeon. Ouais, genre au AIDS ball. En fait, c'est ça que le dernier gros ball, c'est justement, il y avait comme des gens comme ça. Ouais. Dans des balls comme ça, c'est parce que les gens sont tellement excités, les gens sont tellement wow, ils savent même pas qu'est-ce qui se passe, mais ils savent qu'ils ont vu ça sur HBO, ouais. Genre, you know, pause. Ils sont comme, oh my god, c'est mon moment, c'est trop bon. It's okay, you're drunk, babe. Just not get literally. Off stage. Get off stage. Mais c'est ça, toi comme MC, comme host, comment tu gères ces situations-là? Moi, je ris des personnes. Ouais. Mais dans un bon sens, comme, we're just here to have fun. Like I'm also drunk, so let's ouais, vibe. Ouais. Non, ouais. Ça dépend vraiment. Il y a des personnes que comme, dans le AIDS bar par exemple, super bonne personne qui veut faire un message extrêmement bien à propos de comme HIV decriminalization. I'm like, yes, you know, work, whatever. La personne vient au milieu de la performance de quelqu'un d'autre. Mais t'as full bien handled ça. Ouais, moi, parce que le truc, c'est que t'étais comme, yes, le message, mais là, pour vrai, les gens qui t'interrompent, c'est pas comme les gens qui ont du pouvoir cette situation-là. Là. Comme, non, c'est pas comme, du tout. Comme, pas du viens, tout. Viens passer ce message-là, fais juste attendre entre ce que les artistes font. Puis juste en plus, parce c'est là, comme, genre, je sais pas, en tout cas, c'était juste vraiment rude et j'étais comme, get the non, mais surtout, t'as une crowd vendue. Tu sais, comme là, il y a literally comme une conférence qui se passe avec genre ouais, du gros cage ouais, qui se passe, des trucs. C'est comme pourquoi là, tu viens interrompre le moment de. Quand j'arrête et peut-être tu viens me dire est-ce que je peux venir sur le stage, ouais. J'aurais dit ah ouais, viens montrer ton t-shirt, whatever. Mais dans le moment qu'il a fait, tu sais. Mais comme moi, des fois, je vais rire comme les gens qui vont venir, c'est juste comme. Aussi, souvent, je l'explique, la catégorie avant de que les gens marchent. So, je suis comme, pourquoi tu commences à danser sur la catégorie runway when it's called runway? Non, c'est ça, mais c'est le manque de savoir, comme, c'est un ouais. peu genre... Mais aussi l'espèce de truc de, comme, tu sais, les gens l'ont vu à la télé, les gens pensent ouais. qu'ils ont les références, qu'ils ont le vocabulaire, fait qu'ils pensent que c'est un peu à eux, fait qu'ils se disent, ben, je peux y aller. Mais en même temps, encore, je pense que comme ça s'améliore parce que je pense que, mais encore, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail des personnes noires, des personnes de couleur dans la communauté qui ont poussé à ce que ça change un peu. Mmh. Mais je dirais que ça a créé plus des clashs. Donc, je pense que la scène, un peu, des fois, se split. Mmh. Entre comme clan. Ouais. Et il y a beaucoup de batailles, mais pas comme physique, mais genre il y a beaucoup de shade, il y a beaucoup de. There's, it's not all glitters and gold. Ouais. Yes. Non. What? Queer people fighting within themselves? Impossible. Ah! Oh. C'est comme la gauche. On ne sait pas pourquoi. Quand, quand on est les perdants de la société, il faut qu'on s'assiste entre nous autres. Fighting for the crumbs. Listen. Oui, c'est ça. Wow. Fighting for the crumbs, but the worst is that the people fighting, the people with actual crumbs, don't have crumbs. They have the full load of bread. Ils oui, ont c'est tout... ça. Moi, je veux dire, I'm not fighting for crumbs. Ma vie va très bien, mais... Non, mais pas dans ce sens-là, mais dans le sens que je pense que ça revient au sens que c'est mainstream et je pense qu'il y a des personnes qui sont comme... qui comprennent pas que comme qui sont fucking privilégiés dans la vie et comme ouais, it's ouais. great that you walk. On va revenir à la question qui peut walk, qui peut ouais, pas walk. Mais comme it's great that you it's not that you can't come to balls or whatever, mais c'est comme quand tu essaies de prendre une position de pouvoir, mais tu as déjà du pouvoir dans la vie, it's ouais. like okay, ouais. now what are you doing? Non, ouais. c'est ça, c'est vraiment. Non, puis c'est aussi très cool de juste être dans le crowd puis de donner de l'énergie là. Moi c'est genre la chose que j'aime le plus. Sponsor category. I'm oh, sorry. Ouais. Tu sais comme je sais pas à la ouais. place de Tu peux littéralement aller sur le stage et mettre comme un petit 50$. Genre, c'est. It's totally fine, babe. Right? Bring the money. Tu peux sponsor la catégorie, c'est dommage. Mais oui, mais oui, les catégories ballroom peuvent être sponsored. Tu peux venir même 30 secondes avant que je commence la catégorie, tu peux venir sur le stage et déposer l'argent. Ça se fait dans tous les bars. Les gens ajoutent de l'argent. They bet on people and everything. Oh my god. Ça, j'aime yep. ça. C'est chaotique. Yep. Non, je te dis, c'est compétition, hein. Oh c'est compétition, non, mais non. Il y a des gens qui sont fâchés, là. Wouh! Ouais, non, mais je comprends. Et moi, as a commentator, oh my god, il y a des gens qui m'approchent, genre, pourquoi ma, pourquoi match-up? Hey, est-ce qu'il y a match-up ou non? Non, non, non. Est-ce que t'es sûr? Babe, ok, je viens Les gens sont pissed at the ref, là. Genre. Oh my god. And I'm like, I don't know what to say, babe. It's like, oh I my can't. God. Yeah. Fait que parlant de marcher, la marche qu'on va te prendre vers le café. Oui. On va marcher, là. Oui. On va, c'est ça. On parce va marcher. Ouais, on va marcher. Oui, on va juste marcher. Comme des personnes qui n'ont pas de tibia parce qu'on s'est chié les genoux tantôt. On marche, mais... pas vrai. On fait juste, ouais. On va marcher. On va marcher. Un pied devant l'autre. Puis on revient, on veut un café. Hein? Marcher. Mais marcher, et qu'on a marché. Le, monde, ben, le chemin de Compostelle aller-retour. Ils ont batté sur nous autres. Ils ont arrivé à Sana, ils ont donné un 50. Oui. C'est moi qui ai gagné. La catégorie, c'était calice de vidange. C'est moi qui ai gagné. Oui. Charlie a gagné haut la main. J'ai même pas walk, moi, j'ai abandonné tout de suite. J'ai dit, je la laisse aller. Stevie, elle, puis son jeu de vidange, qui a un nom que personne ne se rappelle. Lixivia. Lixivia. Yes, c'est ça, bravo. Drag name. Free drag name. Que j'utiliserai jamais, hein, je vais pas. Non. Fait que si quelqu'un veut le prendre et être plus fierce que moi, il est still up for grabs. Toute vidange. Non, mais parce que dans le fond, Lixivia, c'est le terme scientifique pour l'amas des jus de toutes les vidanges d'une usine de transformation de vidange. Mais ça sonne vraiment fierce. Lixivia. C'est genre Lixivia. Mais genre, ça vient de la Pologne. Lixivia. Lixivia. J'aime ça comment ça sonne. C'est meilleur quand c'est toi qui le dis, tu devrais prendre le nom. Tu vois, non, ça te va déjà thanks. Bien. Non, you don't feel it. No, you don't feel like a garbage. OK, là I maintenant... I smell like flowers and gold. Là maintenant qu'on a quand même... On a craché beaucoup de thé, là. On a contextualisé pas mal. Fait que là, pour ceux qui vivent en dessous d'une roche parmi vous, vous devriez être up, up to date. Fait que là, on va poser des questions... un peu plus spécifique que nous autres, ça ne dérange pas d'avoir l'air un peu innocente puis de déposer. Puis pour vous autres, après ça, vous allez avoir l'air smart, vous allez, vous allez tout savoir. Fait que, c'est quoi la différence entre un ball puis un kiki ball? Donc, un ball et un kiki ball. Donc, c'est... À Montréal, il n'y a pas vraiment de différence, let's be real. À New York, c'est une culture... Encore, à New York, dans les autres villes des États-Unis, c'est une culture qui est... qui s'est développé dans les débuts des années 2010 ou genre fin des années 2000, qui en fait un ballroom scene, mais pour les jeunes, qui est centré pour les jeunes en bas de 25 ans. Et en fait, ça a été comme quelque chose de très communautaire quand ça a commencé. C'est un endroit vraiment plus pour les jeunes où il y a moins de règles, c'est moins strict. Parce qu'il faut comprendre que vraiment les catégories dans des bars, c'est très strict, c'est très précis. Il y a beaucoup de juges, il y a beaucoup de... Oui. Donc, dans les bars... Staff. Donc, Kiki Bar, c'est beaucoup plus laissé aller, c'est beaucoup plus comme libre. Mais dans les bars traditionnels aux États-Unis, c'est très, très sérieux. C'est beaucoup d'argent. C'est des houses, c'est des, you know, legacies and everything. Ouais. Mais ouais, Kiki Bar, c'est vraiment pour se laisser aller et tout, pour les jeunes. Et à Montréal, ben, non. Il n'y a pas vraiment de différence, mais c'est quand même plus pour les jeunes. Il n'y a pas de différence, genre, on se laisse aller nulle part ou on se laisse aller partout? Il n'y a pas assez de personnes. Il n'y a pas assez de personnes. Okay. Donc, c'est les mêmes gens. Ouais. Mais j'ai comme l'impression que le Kiki Ball, il l'utilise aussi pour se pratiquer. Genre... Oui. C'est comme celui qui est comme à chaque mois. Ici, genre? Ouais. Ouais, ben, il y a des Kiki Ball qui sont très laissés aller encore, comme celui que j'ai commenté il y a... La semaine passée, c'était dans une salle. Il y a pas de comme outfit qu'on doit avoir. Ça s'appelle OTA, Open to All. C'est très laissé aller encore. Puis c'est vraiment pour avoir du fun, not for you know be crazy, whatever about. Partir sa legacy. Mais il y a quand même des houses. C'est le même concept. Il y a encore des legends, icons. C'est juste que c'est plus centré pour les jeunes. Ouais. Mais aux États-Unis, il faut comprendre que cette scène a parce que ça a été créé au plus de 10 ans. Ouais. Il y a quand même une histoire à ça. Il y a quand même a legacy to build and everything. C'est juste que vraiment, c'est plus centré pour les jeunes. Il faut vraiment juste comprendre ça. Ouais, puis tu sais, Montréal, c'est classique. Peu importe la scène, burlesque, drag, whatever. C'est tout le monde est un peu la même chose. Genre, c'est tout le temps les mêmes personnes. On se connaît toutes. Ben, dans le ballroom, je pense pas que les personnes. Je sais pas. Parce que tout le temps, les gens sont comme, on n'est pas assez pour avoir genre plein de scènes. Genre, il y a une, deux, ouais, peut-être non, exactement, deux scènes. Ouais, exactement. Mais exactement. Les deux scènes se côtoient quand même parce que, anyway, il y a comme pas assez d'événements pour... Parce qu'à Montréal, il y a quand même deux scènes. Je veux pas dire qu'il y en a pas parce qu'il y a des gens qui sont dans des houses internationales ou quoi que ce soit. C'est juste parce que ces personnes-là qui sont un peu plus vieilles, qui ont marché depuis longtemps, ne marchent plus au Kiki Ball, ils vont juger, par exemple. Ouais. Donc, il y a quand même cette différence. Il y a beaucoup de différences, mais en même temps, c'est juste pas comme drastique comme New York, parce que vraiment, New York, c'est deux scènes complètement différentes. Ouais. Ouais. You know? Mais ouais. Justement, mettons qu'on parle de bal traditionnel, c'est quoi des catégories classiques qu'on retrouverait dans un bal traditionnel? Donc, dans les deux Kiki Ball, ça va être beaucoup de catégories qui sont très ressemblantes. On va avoir les catégories genre de base, je dirais, qui sont... Le core program. Core programming, obviously. Donc, Vogue, là, on n'appelle même pas la catégorie Vogue. Ah. Donc, ce n'est pas le nom, c'est juste le nom de la danse. Ça s'appelle performance. Ah oui, ok, ben oui. Donc, performance is the name of the category. Et là, dans performance, on a le Vogue Femme, qui est le Vogue le plus populaire, je dirais, en ce moment. Ouais. Le Old Way, qui est très, ouais. Genre, plus sec, et plus, genre, des shapes et tout, comme ça. Ouais. Oui. Et là, c'est le fun sur un podcast d'essayer, ouais. Hein, c'est compliqué. Ah ouais, non, c'est compliqué de... un peu plus militaire, un peu, dans ah, okay. La gestuelle. Ouais, je dirais, la gestuelle, ouais. Ouais, ouais. Ah, that's a ouais, good one. Et là, New Way, qui est comme un mix de comme Old Way avec genre plus de stunts. Oui, comme genre post-modern, plus de, comme... on mélange tout. Ouais. Ouais, mais c'est pas on mélange tout, c'est vraiment comme un Old Way plus athlétique, okay. Plus comme... ouais, beaucoup plus d'en fait, de trucs et tout. Pas la même chose. Ouais, donc il y a beaucoup plus de split, beaucoup plus de comme trucs de cirque, genre. Ben, ouais. Pas de cirque, là, mais je sais pas comment t'as dit. C'est... Ouais, d'acrobatie, c'est ça, oui, ouais. C'est ça le mot. Merci. Ah, yes! Ok, bon. Ensemble, on donc, a un peu de vocabulaire. Donc, il y a performance, il y a... Ouais, il y a realness, donc encore, c'est pour passer dans la société. Oui. Pour les personnes trans, pour les personnes drag, des fois, oh, je pense, okay. Mais ça dépend. On a runway qui est comme marché comme un modèle une modèle ouais. Body selon le terme genre. Body is just to have a luscious body, donc souvent c'est pour les personnes plus size, les personnes avec beaucoup de muscles. Uh-huh. On parle de comme un body que, comme, qui va prendre la salle, qui va prendre genre ouais. You know what I mean. Mm-hmm. Face, donc le visage, oui. Les structures de visage. Qui est définitivement la catégorie que je walk, là, tout le monde. Est... Exactement. Mais moi, là, je suis comme, imagine walking face, the amount of confidence que ça prend, parce que literally tout le monde te regarde la face. Là. Fait qu'il faut que tu sois convaincu. Ouais. Là. Oh, non, il y a beaucoup de trucs. Et il y a beaucoup, beaucoup de comme. Truc genre qu'il faut faire, comme c'est pas genre juste comme hi I'm here with my face, non, il y a des mouvements, il faut montrer certains trucs. Ouais. C'est pas, tu peux pas juste arriver comme you're pretty. Non c'est ça exactement. Ouais. There's stuff to do. Yeah. You have to show it. Plusieurs manières de frame ton visage. Faut que tu le sais. Donc il y a ces catégories là, il y a plusieurs catégories, donc ça fait très longtemps qu'il y a plusieurs catégories. Realness, il y a tellement de genres de realness parce que des fois ça va comme military realness, schoolboy, like you know, schoolboy realness, which is like a big category. Ouais. Genre donc il y a comme beaucoup de catégories, mais je dirais face, performance, runway, realness, body, c'est comme les plus, et sex iron, c'est comme les plus grosses. Oui. Genre. Oui. Makes sense. C'est quoi la catégorie que vous êtes most likely to walk, vous autres? Moi, c'est best dress. Ouais. Ouais. That's it. Period. That's it. Toi, fautard dans la house. Ouais. Best c'est... dress. Mais en fait, là, maintenant, parce que j'étais pas dans la house avant. Ah, mais c'est vrai. Ouais. Maintenant que je suis dans la house, parce que fautard, c'est comme genre The King avec les brands et tout. Comme I could never. Genre juste. Non, comme, j'ai même pas comme. I don't buy brands like that. Ouais. Donc. Ouais, comme je marcherais pas labels. Ouais, exemple, ok, c'est non, ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais best dress. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Le fautard, il est plus labels. Ouais, c'est ça. You know, il peut marcher best dress, mais c'est vraiment lui, sa spécialité, c'est labels. Shout out to notre frère dans la house. Exact. Oh, hey. Yes, what's up? Mais moi, j'ai commencé en performance. Genre, j'ai commencé à voguer pendant plusieurs années. Et je pense que j'ai. Oups, je vais le dire ici. Oh. Donc, une première. Je pense peut-être que je vais remarcher performance après plusieurs années. Oh my God! Un comeback! Un comeback! Maybe! Mais oui, j'ai pensé à remarcher performance. Donc, that's nice. OK! Mais maintenant, je marche moins. I think I'm more... I like to commentate. J'aime host les balls. Ouais. C'est très cool quand tu le fais aussi. I want to DJ more. Shout out. Honestly, shade to everyone in the ballroom scene. I don't care. J'en crois pas que I'm a fucking DJ in life and no one asked me to DJ a ball. It's low key very triggering. Like, you bitches, please. Mais surtout comme... Génial. Mais surtout genre, booked and blessed là, dans la rave scene. Là. Of course. Genre, mais c'est juste parce que aussi, je pense que les gens savent pas, mais comme... Genre, il y a certains comme... ballroom DJ que j'ai quand même beaucoup assisté dans genre à commencer. Mm-hmm. Ouais. Non, même moi pour le AIDS Ball, c'était comme tu m'as donné tous les guides. T'es pas le seul. Genre I've actually like assisted a lot of DJs and I love that parce que je pense qu'on a besoin de tellement de diversité de DJs in the ballroom scene. Même chose as commentating. Genre il y a une personne que j'ai rencontrée la semaine passée qui était comme I really want to comment it. Et je suis comme that's what the Kiki scene is about. Genre you know what I mean. Share that knowledge with other youth like to get that, you know, get the ball rolling. Mais genre dans le sens, you bitches, write it down, book Sayana as a DJ for ça fait longtemps, Sayana, ça fait des années qu'elle DJ, là, c'est pas genre... Des années qu'elle DJ et des années qu'elle est dans le ballroom, les deux. Ouais. Puis elle se gêne pas pour me dire non, mais attends, Sayana, elle nous donne tous ces épisodes-ci, là, elle nous annonce son comeback, elle nous donne un scandale, genre, ah ouais, là. Oh non. Everything and more. Les That's... points sur les i. Non, exactement. OK, dans un monde où on a des systèmes de pointage, où on souhaite obtenir idéalement que des 10, où c'est jugé, où c'est subjectif parce que c'est des juges, comment on garde une bonne attitude? Comment est-ce que les gens, ça doit faire des frictions? Peux-tu te fâcher contre les juges? Comment on gère ça, le fait qu'au final, ça reste subjectif? Pour moi, une cour d'appel? Non, pour moi, si ça fait moins de un an que t'es dans la scène ballroom, t'as aucune raison pour te fâcher. Walk off stage. Ouais. Genre dans le sens... Ouais. Parce que t'as comme, you know what I mean? Tu peux pas comme... Mais... Oh ouais, à un moment donné, tu fais tes dents, puis genre, tu fais tes classes. Non, mais juste genre, dans le sens, parce que comme ça devrait pas actually fâcher les gens, ça devrait donner vraiment comme du drive pour devenir mieux. Je pense jamais que comme dans ballroom, c'est comme... C'est sûr que des fois... Mais vraiment, si c'est les personnes nouvelles, il y a jamais vraiment de shade que les personnes vont être comme... What the fuck? Genre, you know, je pense juste que c'est comme... On va dire à la personne, OK, don't do this, do that. Mais c'est comme... Ça devrait donner du drive aux gens de comme vouloir continuer en voyant d'autres gens qui sont capables de gagner. Je pense jamais que ça devrait être comme... Ouais. Oh my God. Comme, à la fin de la journée, comme... It's not gonna kill you, babes. Ouais. You know, mais aussi, c'est même pas si shady ici. Je trouve que comme... De ce que j'ai assisté, c'est pas des méchants commentaires genre humiliants comme quand ils sont chopped. Là, c'est comme... Ouais. C'est comme un peu soft. On est soft, mais je vais pas te mentir, entre les house, là, c'est là que ça devient comme plus shady. Genre, entre les house, people have like, they get mad. Le vrai jugement vient après. Ouais, parce que là, les gens se connaissent, les gens, genre, et genre, il y a du shade, on va se le dire. Comme, il y a des personnes qui sont pas si impartiales, mais that's another story, child. Non. Je pense que ces personnes-là, je pense que dans la scène, pour les personnes dans la scène, je devrais dire, genre, calmez-vous, genre, ça va être correct. Calmez-vous, ça va être correct. Vous allez pouvoir revenir au prochain bar, il va y avoir différents juges. Ça va être le nouveau chandail. Calmez-vous, ça va être correct. Mais aussi, c'est le principe du genre, you're not that special, toi aussi, il faut que tu fasses tes classes, toi mais aussi, il faut que tu apprennes. Mais je comprends, des fois, c'est injuste. Des fois, c'est injuste, mais it is what it is. It is what it is. There's shame. Ouais, des fois, y a-tu comme un espèce d'aspect de comme, t'es pas encore quelqu'un dans cette scène-là, fait que, genre, pense pas que... Pour quoter Naomi Small, life is unfair. Ouais. Non. Je pense juste que c'est comme cette personne n'aime pas cette personne, cette house n'aime pas cette house. Je vais essayer de comme. Ok, les houses, c'est quoi l'atmosphère entre les houses qui se font compétition, du moins à Montréal? So genre, start, tu vois. Parce que. Non, mais comme. Non. Bravo, t'as une patate chaude dans les mains, Lou. Let's go. Ok, mais mettons. Non, mais on contextualise. Tu sais, mettons, genre, in the club, tu vois quelqu'un d'une autre house. Genre, est-ce qu'il y a un acknowledgement de allô, on est amis? Pas tout le monde. Tout, ou, ok, non, c'est ça. Non. Il y a des gens qui dans la house, dans certaines houses que je vais pas te mentir, I brush, you know. And we're good. Mais comme je pense qu'en ce moment ça se calme, un peu, mais non, pas tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui sont très chill. Il y a des houses qui sont très. Tu peux comme même voir dans les balls qu'ils ont comme un peu plus d'alliance. Ouais. Mais il y a certaines houses, il y a un peu plus de. De friction, de tea, de shade. Et ça peut se sentir des fois. Mais pas pour les gens à l'extérieur. Je pense que c'est plus pour les gens à l'intérieur, you know. Puis est-ce que tu penses que les houses ont plus de friction sur comme leur... comme leur manière de concevoir le ballroom ou juste comme des espèces de tensions de comme de valeur ou d'approche ou d'esthétique ou genre all of those things. Les deux, je pense que ça dépend vraiment en qui et quoi. Je pense que il y a quand ça vient à genre la perception du ballroom, je pense que t'as amené quelque chose d'important parce que ça, ok, so comme je vous ai dit, moi I'm here to say everything today. Ah ouais. Je vais même pas me hold back. Ah ouais. Je pense que Toronto. Il y a une plus vieille scène là-bas. Donc, anyways, ils ne comprennent pas le français, donc... That's it, that's it. Anyways, mais à Toronto, je pense que ça fait plus longtemps que ça existe. I'm going to give them that. Ouais. It's, you know, that's totally fine. Mm-hmm. Mais je pense qu'ils veulent avoir a grip on Montreal. Genre, ils veulent que nous, on soit super traditionnel, on soit super c'est ça. Et je pense que ça, c'est Toronto et ça représente très bien leur ville. Je pense que les gens à Toronto sont très plus... traditionnel et lawful, monsieur genre, madame tout le monde genre. Mais à Montréal on est juste pas comme ça et genre je pense que ça va refléter notre ville et je pense qu'il faut que ça arrête que certaines personnes veulent licher en dessous des bottes en fait de Toronto et là je pense que il y a des gens qui veulent vraiment impressionner certaines personnes de Toronto donc ils vont être comme oh my god cette house a pas fait ci et ça comme il faut oh my god genre ce juge a fait ci oh my god et là ils vont comme genre le rapporter aux personnes de Toronto je pense que encore là je pense que Montréal certaines personnes are like Toronto's bitches, you know? Ouais. Et ça crée une friction parce que ensuite il y a des personnes qui sont comme super traditionnelles ballroom and I actually agree que comme dans certaines scènes ça devrait rester comme traditionnel comme si on a un ballroom genre un ball comme on avait dit kickball versus ball si on a un ball mainstream je comprends que ça devrait être un peu plus traditionnel mais si on a un kickball laissez-nous faire whatever the fuck we want c'est notre ville nous on veut pas être fake on veut pas juste répliquer ce que New York est on veut pas juste répliquer ce que quelque chose est laissez les actual Montréalaises créer leur propre scène et ça je parle à des gens dans la scène qui viennent pas de Montréal et qui viennent de l'extérieur comme des étudiants quoi que ce soit c'est chill t'es étudiant ici t'es à McGill Concordia et du fun, tu comprends? Mais viens pas ici dans ma ville en train de me dire comme non, why are you not traditional when you're from I don't know a rich town like I don't ouais ouais ouais là t'es venu ici parce que l'université est deux fois moins chère puis que tes parents peuvent te payer le loyer puis tu viens nous dire comment rouler notre scène là, exactement genre, va, exactement genre you know mais je pense que en même temps il y a beaucoup d'alliances je veux pas dire que c'est juste c'est comme juste la merde genre non c'est je ça je pense qu'entre plusieurs houses il y a beaucoup d'alliances il y a beaucoup de love et tout mais en même temps de drama I'm not gonna lie you know ouais. Fags and trannies are gonna fight. T'sais, it is just what it is. C'est ça. You know? C'est ça. It's okay though. We love that. It keeps life interesting. Yeah, il y a de la chicane, il y a de l'espoir. Voguing versus noguing avec la globalisation. On est toujours dans les questions à rafale. Avec la globalisation du voguing, certaines personnes, beaucoup de gens en fait, exécutent des mouvements de danse inspirés ou littéralement volés de la culture ballroom / danse voguing, mais ne savent pas voguer pour autant. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'en 2022, tout se mélange puis c'est ça la vie? Ou est-ce qu'il y a comme une appropriation? Parce que moi, j'ai un peu l'impression que dans tous les vidéoclips, dans n'importe quelle catégorie graphique, maintenant, il y a quelqu'un qui va se faire aller main de gauche à droite pendant deux petites secondes. Puis, OK, on a eu le petit moment vogue, tout le monde. On passe à la prochaine scène. True. Merci. Genre, je regarde les vidéoclips, je suis comme, OK, genre, c'est-tu non, une référence? Tu sais, then again, on rentre dans la style du discours, mais tu sais, à quel point l'hommage devient la réappropriation? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Par rapport à comme quand j'ai comparé avec la musique et tout que il y a une espèce de comme de prendre la culture et de comme un peu genre la dénaturer de comme de sa source et donc moi je pense totalement que c'est de l'appropriation dans la plupart des cas très honnêtement c'est pas un acknowledgement c'est pas une clap Marie-Hélène, on coupe pas on applaudit ah ouais désolé mais ouais c'est vraiment juste pour être comme même j'ai vu une émission qui s'appelle Heartbreak High sur Netflix et ils ont genre lancé dans l'émission une scène ballroom, c'est un party qui s'appelle The Sleigh Ball, c'est en Australie, qu'on parlait. Non, je te jure, j'étais tellement en train de... The Sleigh Ball, c'est eye roll. Combien de mots on peut faire... Ah oh, mon Dieu, ça me fait penser à... The Sleigh Ball Boots. Mais c'est comme... Je pense que pour la Pride à Toronto, là, il y avait comme changé le nom de certaines stations de métro juste pour comme faire groupe, là, c'était comme Wallace. C'était juste comme tellement terrible. On aurait dit que c'était genre un algorithme, genre une espèce de comme gay robot spinning, genre. Non, vraiment, vraiment dans l'émission, ça donnait vraiment juste comme oh, on like throwing like a bit of like a ballroom sparkle or whatever l'émission, genre. C'était vraiment. Oh my god. Ouais, c'était vraiment comme stéréotype. It was giving, it's not a queer person qui avait comme genre comme directed. Ce moment-là, ou whatever. Mais pour revenir au Vogue, là, c'est, il faut comprendre que le Vogue, c'est très athlétique. Certaines catégories, genre, c'est très. Il y a des éléments. Il y a 5 éléments: hands, duck walk, catwalk, spin and dips, and floor performance. Donc, un Vogue complet va avoir ces 5 éléments. Un autre truc, ça prend une certaine. Il y a. Il faut être sur le beat, il faut. Ben oui. Non, mais il faut avoir comme une certaine... Il y a aussi un certain move, comme swing to it. Genre, je sais pas comment expliquer, mais ah, comme... Ah, mais comme un flow. Pas, especially si c'est Vogue femme, c'est pas supposé être sec, c'est pas supposé être tac, tac, tac, tac, tac. Et genre, c'est féminin, like it's feminine kind, like, let's be real. Like, il faut vraiment genre sortir tout le comme... C'est un gros mélange de choses qui sont physiquement vraiment difficiles à faire. Genre. Mais pas nécessairement, parce que si on va... Je pense que souvent, pour les gens sont exposés au dramatique. Mais je pense que souvent, les gens sont exposés au Vogue dramatique qu'on appelle dramatic voguing. And like Vogue femme dramatic. Et ça, c'est vraiment comme des gros mouvements, genre tac, tac, tac. Gros dip, whatever. Et c'est pas un death drop, c'est un dip. Merci. Oui. On va juste get ça. S'il vous plaît, tout le monde. Mais comme, you know, the soft and kind, c'est très difficile, c'est très demandant aussi, mais ça prend beaucoup de patience aussi. Quand t'as un gros beat sur le speaker, quand t'es soft, you know, il faut vraiment prendre son temps de faire les mouvements, il faut vraiment être, like, feminine, like, you know what I mean. Oh, et puis in touch, puis genre en contrôle, savoir ce que tu fais. Je pense que c'est un mélange de technique et de flow. Fait que là, n'importe quoi, la fille qui pousse tout le monde, genre in the club pour faire comme je t'aime pas moi aussi! Fait juste comme. Parce qu'il y a des danseurs, comme... il y a des danseurs qui ont beaucoup de techniques dans la danse, mais ils vont jamais être capables de vogue. Juste parce qu'ils ont pas l'essence de voguing. Et même s'ils voguent, ils sont capables de visuellement, ils ont comme. Ils sont très bons. Tu vas voir que comme, there's no. I don't know, essence behind non, c'est it. Ça, exactement. Ouais. Et comme si. Pour le comparer peut-être à quelque chose de plus familier, genre dans la culture du hip-hop, tu sais, les rappeurs, ils ont leur flow, chaque rappeur a leur flow. Tu sais, il y a la technique de rapper et tout, comment écrire tes verses, mais chaque rappeur a son flow et il y a des rappeurs qui se démarquent plus parce qu'ils ont une essence. Donc, ça prend l'essence pour que tu thrives, tu sais. Donc, il y a comme un peu une espèce de... C'est pas la même chose, mais comme dans la performance Vogue, il faut aussi... Tu sais, oui, c'est la technique, mais il y a une essence, ça prend une essence pour thrive dans ce style-là aussi. Genre. Ouais. C'est pas juste genre, OK, j'apprends 1, 2, 3, 4 le mouvement, I'm good to go. Pas évident tout ça, mais tu sais ce qui est évident? Aller chercher un café, c'est évident. Puis on va faire ça, Vogue Femme Dramatic. OK, exactement. Oui, avec ça, là, vous pouvez pas voir, c'est un podcast, mais on le fait, là, puis nailing it comme si on avait fait ça toute notre vie. Il y a une affaire qu'on fait à Deux Fifs le matin, c'est tenir nos promesses. Yes. On est allé à Saint-Tite, on est allé aux chutes, on a tout fait ça. Vous n'étiez pas là, vous l'avez manqué parce que ça a été sold out en 5 minutes, mais on a tout fait ça. That's it. Sold out en 5 minutes. Fait que Lou, tu me pars un beat, Sienna, tu commandes, puis on est parti. On est parti. Puis on revient, on veut café. On revient, on veut café, mon Dieu. En tout cas, on l'a fait, là, mais qu'on l'a fait, on a eu la note de 0. Ouais. It was a chop, pour vrai. It was a chop. C'est le barista qui nous a chop, hein. C'était même oui, pas personne non, qui jugeait. Oui, non, on s'est pas rendu nulle part que ouais, plus loin le barista qu'un café. Était comme, it's a chop! Oui, oui. En tout cas, c'est ça que sa face disait. Oui, il trouvait ça vraiment fucking weird qu'on rentre en faisant du Vogue Femme Dramatique dans le café. C'est un des deux options. C'est soit il nous a chop, soit c'était juste weird ce qu'on a fait. Je sais pas. Ah, t'es quoi? Hein? Hein? Fait avec des émissions grand public qui s'inspirent directement de la culture ballroom comme directement. RuPaul's Drag Race que genre tout le jargon vient de là ou Legendary où c'est literally une ballroom competition, la visibilité mainstream de la sous-culture ballroom a jamais été aussi présente, surtout à la télévision qui est quand même un médium vraiment powerful. On en a parlé un peu parce que quand même, Sana, tu disais que la scène ballroom, c'est comme arrivé trop en même temps pour que ce soit directement influencé tout de suite par la télévision, de ce que je comprends. Je pense pas qu'à Montréal, c'est nécessairement la télévision, honnêtement, juste parce que comme les personnes qui l'ont créé avaient une connaissance de ballroom au-dessus de comme c'est la télévision. C'est ça, mais l'impact quand même au fil des années de autant d'exposure, oui, est-ce que vous le sentez? Oui, les gens qui sont... Mais oui, totalement. Totalement, je pense que la plupart des gens qui viennent dans le ballroom ont une connaissance justement à cause de la télévision. Ouais. Ils savent pas exactement ce qu'ils comprennent. Ouais, mais ils comprennent quelque chose. Oui, ben tu sais, c'est pas la première vague, là. On l'a eu comme... La ballroom a eu déjà un élan avec les années disco, si je me rappelle bien. À un moment donné, il y avait beaucoup de danseurs qui faisaient du voguing. Puis genre, c'est connu là, que le monde recrute des danseurs et des danseuses dans ces scènes-là. Mais aussi, il y a beaucoup de danseurs et danseuses qui ont participé à ça, qui ont eu aussi des carrières de danse à l'extérieur de ça. Là, tu sais, il y a eu Paris Is Burning, qui a quand même, surtout dans la communauté queer, qui a quand même eu un gros impact, qui est un regard très extérieur, par exemple. Ça reste un documentaire. C'est pour ça que c'est très bizarre quand RuPaul dit la tradition de Paris Is Burning. Je connais pas de tradition de Paris Is Burning. Paris Is Burning, c'est un documentaire. The Great Tradition. Oui, c'est ça, genre, ça, en tout cas. Bien bizarre. Mais il y a eu The Queen avant, genre qui est justement le documentaire où on voit Christopher Benja qui pète une coche, puis c'est vraiment magnifique. Il y a eu plusieurs vagues. Est-ce qu'il n'y a pas tout le temps une espèce de balancier, genre, la culture ballroom est plus connue. Il y a plus de villes qui en font, il y a plus d'endroits où c'est Là, c'est sûr que là, nous on est arrivé à l'ère de genre Post puis Legendary, je pense que c'est ça. Tu sais, RuPaul, au pire, c'est du jargon, mais Post puis Legendary, c'est vraiment comme, oh mon dieu, j'ai vu et je me suis attaché à des personnages qui font ça, je connais Legendary ça. Legendary et Post, mais je dirais Legendary, c'est vraiment nice parce que c'est vraiment des personnes de la communauté ballroom. Qui... Laomi est là, puis teaching the children. Laomi, Deshaun Wesley, Mike Q, les participants sont des houses du ballroom community. Jamila est contente d'être là, puis moi je suis content pour elle. Yeah, Miss Jamila drops the coins for the girls. Mais c'est ça. Miss Jamila brings the money. Ouais. Yeah, and we love, I guess, I don't know her like that, to be honest. Ouais. Mais je sais qu'elle a joué dans quelques films, mais c'est nice. Moi aussi, j'ai juste vu la dame, mais tu sais, je trouvais qu'elle. L'affaire, c'est que c'est souvent la meilleure performance qu'elle a vue d'eux autres jusqu'à date. C'est ça son commentaire. C'est juste vrai, comme... Oh my God. Tandis que, tu sais, c'est vrai que Law et Laomi, ils vont vraiment in the specifics. La Roche, oh my God. Mais là, tu vois, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vrai que des fois, il est catty et il est là juste pour le show. Mais en même temps, in the end, it doesn't matter. Genre, il est capable de... Tu sais... J'aime qu'il a son caractère, mais apparently, behind the scenes... apparently, comme la personne est comme La Roche is actually like not chill in real life. Ce serait le fun mais d'entendre. Mais genre pas dans le sens pas. I don't know. Pas personnellement, je connais pas ce qui ouais, est ouais, là. Ouais. Mais juste comme que comme le personnage dont qu'on voit à Legendary actually. Ce serait le fun d'entendre que dans le fond il est fucking sweet puis il va voir tout le monde puis leur dire des affaires vraiment sweet. Mais genre c'est sûr que non. Legendary, moi je trouve que c'est vraiment nice parce que je pense que justement, je pense qu'avoir quelqu'un comme La Roche apporte tellement. Je trouve que moi j'adore parce que, comme, there is real shade, there is real tea, there is real cattiness. Moi c'est ça, je me demandais, genre, à quel point c'est représentatif, à quel point vous dites, genre, yes, c'est bon, genre, je suis pas d'accord, mais genre, j'embarque, genre, c'est real. Ah non, moi je trouve que, comme, Legendary, c'est quand même nice. C'est quand même un TV show tout, mais moi je trouve que c'est nice parce que c'est par les gens de, qui viennent du ballroom. Ouais. Puis c'est humbling aussi parce que, tu sais, moi, des fois, je vois des trucs, puis je suis comme, OK. Puis après ça, ils sont comme, c'était l'hostie d'enfer, what the fuck, qu'est-ce qu'on vient de voir? Ou des fois, ils sont comme, that's incredible. Puis je suis comme, OK, c'est vrai, c'est eux autres qui savent, c'est pas moi. Yeah. Parce que c'est vrai que quand t'es pas là en personne, puis que t'interagis pas dans l'audience, c'est difficile pour quelqu'un qui a moins de repères ou qui sait pas. Tu sais, moi, je sais pas distinguer une performance fucking sharp de quelque chose qui était un peu underwhelming. Moi, s'ils sont tous en même temps, je suis comme fuck yes. Non, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Mais non, c'est ça qui est nice. Puis je pense que comme avoir des membres de l'extérieur, ça quand même apporte une visibilité. Il y a des personnes qui sont super opposées au mainstream. Il y a des personnes qui adorent que ça va mainstream. Je pense qu'à la fin de la journée, moi, personnellement, j'ai 22 ans. Je suis rentré dans le ballroom scene il y a 5 ans. Donc, mon opinion, je pense pas que matters that much, honestly. Je pense que ça revient aux gens qui ont été des pionniers, ouais, pionnières dans cette scène. Une question que je me posais, par exemple, c'est que, tu sais, on vient de la petite pandémie a tout arrêté pendant 2 ans, ouais, on n'a rien fait. Puis, tu sais, il doit y avoir vraiment beaucoup de gens qui ont comme catch-up avec Pose ou whatever, genre, ou Legendary qui avait comme 2 saisons ou 3 saisons, mm-hmm, 2 saisons. Est-ce que tu as vu une grosse différence avant, après la pandémie? Est-ce qu'il y a comme toute une crowd qui est débarquée après la pandémie qui était comme « I am ready for the ballroom scene! » Ouais, mais je dirais que c'est dans tout. En fait, Montréal, il y a tellement de gens qui ont changé. Les gens ont... oui, c'est vrai. Les gens, OK, c'est comme s'il y a eu comme un genre switch de personnes. Comme les gens qui étaient chiantes ont déménagé de Montréal. Puis ensuite, comme... Si tu nous écoutes ça d'une autre ville où t'as déménagé, c'est de toi qu'on parle. Ouais. Mais il y a tellement de gens qui ont déménagé, mais pas toutes les personnes qui étaient pas nice. Il y a des personnes vraiment nice qui sont parties. Mais et là, il y a comme plein de gens nouvelles qui sont plein de personnes nouvelles qui sont ici. Moi, c'est quand tu rencontres un babe qui est comme, ah ouais, j'ai déménagé à Montréal, là, genre un an et demi ou 2 ans, puis que je suis comme, c'est pour ça qu'on te rencontre maintenant, là. It's been rough. Literally, mais je pense que oui, ça a changé beaucoup. Il y a beaucoup plus de nouvelles houses. La scène a grandi, la scène s'est diversifiée, s'est évoluée. Et je pense qu'il y a des conversations que maintenant on peut avoir, qu'il y a quelques années, je te le jure, moi, j'ai grandi à Montréal. Ouais. J'ai grandi à Montréal dans une communauté qui n'était pas blanche nécessairement. Et je pense que comme je pouvais juste pas voir une personne... Parce qu'il y a une différente culture à une personne qui a grandi, qui est noire ou arabe ou whatever à Montréal. Ouais. Et je pense que comme il n'y a aucune réflexion de cette réalité-là dans la scène ballroom. Ouais, maintenant, il y en a un peu plus, mais c'est même pas là encore. Mm. Je pense que comme nos slang, nos... Il n'y a pas de personnes qui sont là, qui peuvent parler comme des gens qui ont grandi à Montréal. Ouais. And... moi, je me souviens, moi, je suis rentré vers 16-17 ans et j'avais vraiment comme la misère à comme sortir du hood, venir directement dans un monde où comme des gens sont à l'université, des gens comme des vies genre posh, whatever. Parce qu'avant, c'était vraiment ça, ballroom, no shade. C'était dans le village where people... Il y avait certaines personnes qui venaient de Montréal qui étaient un peu différentes, mais quand même, c'était très genre village, gay, white, and genre, let's have a kiki, like, you know what I mean? Et je pense que maintenant ça commence à changer. Je pense qu'il y a plus un aspect communautaire, plus un aspect de house qui est plus importante. Mais je pense encore qu'il y a comme... C'est justement, je pense que ce shift-là d'énergie fait en sorte qu'il y a comme un clash entre genre les personnes qui avaient comme le pouvoir un peu avant, qui veulent pas laisser genre... Et je veux pas dire qu'il y a un pouvoir parce que je pense que ça devrait être égal entre tout le monde dans un sens. Mais je pense que comme il y a des personnes qui veulent comme garder genre un legacy que, comme, qui devrait même pas exister. Genre, you don't have a legacy, babe. So. Parce que c'est quelque chose qu'on observe, mettons, si on fait un parallèle Legendary Drag Race, tu sais, que genre là, Drag Race, ça a donné envie à plein de monde de faire de la drag, puis la drag, ça devient tellement compétitif que ça devient de plus en plus quelque chose que tu peux te payer versus un truc de solidarité, puis genre de transgression comme c'était avant. Est-ce que, à terme, on voit que le ballroom, ça pourrait devenir quelque chose qu'on peut se payer plus que... quelque chose dans lequel on peut se pitcher parce qu'on en a besoin pour le lien pour ces trucs-là. Genre plus financièrement, genre? Ouais. Est-ce qu'on peut acheter sa place? Genre, est-ce qu'on peut être... Oh, acheter sa place? Ouais. Oh, hell no. Oh, ben, non. Ben, non. Genre, est-ce que tu achètes des meilleurs looks? Ouais, c'est ça, comme... par rapport à comme des vêtements ou comme genre se payer comme des pratiques de classe de Vogue, for example. De Vogue. Moi, perso, though, je pense pas que les meilleurs Vogueurs viennent souvent genre des classes, non, chaîne. C'est juste comme qu'ils sont allés, les meilleurs Vogueurs sont allés à des cours de classe. Maintenant, tu peux suivre des cours de danse, puis. Mais c'est pas ça, je pense que comme il y a plein de gens. Même moi, je suis allé au cours de. Même moi, je suis allé au cours de Vogue. Il n'y a jamais eu de cours de danse avant aujourd'hui. non, ça fait des années qu'il y a des cours de Vogue. Mais je pense que comme, tu sais, les personnes qui sont très bonnes en ce moment sont allées tous dans des cours. Mais je veux juste dire que comme la plupart de ces personnes-là avaient actually comme plus genre un intérêt au ballroom ou whatever. Ils se sont pratiqués chez eux, pratiqués whatever. Ça va pas te prendre juste des classes pour être comme good at that. You have to participate. Mais est-ce que l'argent. Ça dépend vraiment des catégories. I would say labels. C'est une catégorie qui parle de labels. So obviously, oui, l'argent va t'aider. But that's just the category. And it's been the category. Ouais. C'est genre quelque chose où les gens allaient voler pour aller voler des vêtements justement pour marcher cette catégorie. Donc, genre, est-ce qu'il y a une historique comme aussi les gens volent peut-être pour aller prendre ces outfits? Ouais. Mais I don't think it's bad. Toutes les raisons sont bonnes pour voler. Exactement. Tout, voler. À part aux petites business, s'il vous plaît. Ouais, parce que vous choisissez vos targets. Ah, mais ouais, genre, vos labels, par exemple, volez-les. Ouais, Ogilvy est sur Sainte-Catherine, proche de Peel, si vous voulez savoir. Donc, juste dites pas que Sayana vous a envoyé. Non, mettons, là, tu sais-tu comment ils fonctionnent, les systèmes d'alarme là pour donner plus de cues aux girls? Est-ce que les boosters existent encore? Comme ça, on peut aller leur demander. Je sais pas, mais moi, j'ai entendu dire que si tu mets 17 couches d'aluminium dans un sac, genre, bien paré de chaque côté, ça fait plus sonner les... les systèmes de sécurité, mais ici. Moi, je l'ai juste entendu parler, je relève cette information-là que je sais pas si c'est vrai. On n'a aucune idée si c'est vrai. That's it. C'est un mystère. Moi, j'avais demandé à ce que tu sois retiré au montage ce bout-là, si ça a été mis, en tout cas, c'était pas mon intention. Mais qu'est-ce que fait tu dirais, que... Lou? Genre, moi, je pense que it can help you, mais à Montréal, je pense pas qu'il y a tant de... I don't know, je pense pas qu'il y a tant de pression sur, comme... Non, je disais juste que c'était comme une possibilité. Mais, ouais. mais pas que c'est comme « Ah, maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne, tu peux te l'acheter à la place de... » Ben, c'est juste que le ballroom, c'est pas... ça existe pas en vase clos, tu sais. « Anywhere money can get you further », genre. Ouais, c'est ça. Parce que even in drag, je pense que c'est définitivement... Je peux vraiment voir comment dans le drag, ça peut être genre... Tu peux avoir plus de matériel, de qualité, tout ça, des outfits, whatever. Ouais. Mais en même temps, je suis sûr que même le Essence, on va dire, je sais que comme il y a comme des lip-sync battles, whatever. Ouais. Comme si tu n'es pas capable de bien lip-sync, genre, you know. Mais oui, on l'a vu avec Monet Exchange dans Drag Race, genre, comme que plusieurs fois, elle était genre en danger. Ouais. Parce que son outfit n'était pas comme le plus raffiné, avec le plus d'argent. Oui, mais tu sais, Monet Exchange est genre en onesie, potoc, avec une pussycat wig, 6 soirs/semaine à New York, à genre entertain des crowds pendant des heures. Fait que genre, for sure, là, tu lui demandes de faire un petit lip sync contre une autre fille, elle te la détruit, là. Non, mais juste pour dire ça, que c'est ça, comme, c'est bon. C'est pas juste l'argent. Oui, absolument. Mm-hmm. Le Lexic Ballroom est maintenant utilisé par tout le monde, sa mère. Queer ou pas, c'est vraiment drôle parce que parce que justement dans le, c'est-à-dire que oui, il y a l'espèce de jargon genre RuPaul-esque là, où genre les trucs sont un peu décontextualisés, mais genre ça va puis ça devient comme ironic and then not puis blablabla, mais c'est vrai que dans un contexte ballroom, genre c'est très codifié, c'est très rigide, les choses veulent vraiment dire comme quelque chose de spécifique, genre sur deux filles le matin, comme sur Crachonté, on aime vraiment beaucoup les superlatifs. Puis moi, j'étais comme, on a Sayana, ballroom legend. Puis Sayana était comme, bitch, you don't get to call me a legend, genre. Yeah, non, je peux pas dire ça. Moi, j'étais comme, viens des superlatifs. Mais c'est ça. Mais OK, déjà, moi, je trouve ça super intéressant, ce truc-là, de comme, ouais, disons, genre. Dit sur le chat, j'étais comme, oh my god, please don't call me. Les gens vont littéralement me dire, hey, Sayana était sur un show, elle a laissé quelqu'un l'appeler legend. Mais c'est vrai que genre legend, c'est genre un gay superlatif maintenant de non, genre non, non, comme non, legend. Non. Okay. I mean, everyone says oh my god, it's so iconic. Genre, je pense pas que ça change, mais ben que ça vient, c'est vrai que ça vient de ballroom. Mais en même temps, je pense que comme il y a quand même ces genre positions, genre legend. You have to go through like genre tu dois actually te faire approuver pour appeler, pour te faire appeler legend, genre. Je pense pas que personne à Montréal est legend. Ouais. You know what I mean? Personne à Montréal is a legend. À Toronto, there's legendary. À Montréal, there's no legendary. C'est normal, ça fait seulement 5 ans. Je pense qu'il y a même, ouais. Il y a même des. Je les connais pas parce que je suis pas dans, dans cette association de nommer c'est qui les legends. Mais je sais qu'il y a même des critères. Genre, ouais. Ils ont des critères comme d'année et de qu'est-ce que tu as dû faire pour avoir comme un statut de légende ou d'icon is the biggest status. So, comme ouais. Icon, c'est très très dur d'avoir un statut ouais. comme ça. J'aime ça qu'il y a genre une bureaucratie derrière le ballroom. Genre ouais, aux États-Unis, c'est sérieux. Non, c'est aux États-Unis. Incroyable. Oh, on avait parlé des. Je voulais dire juste en fun fact qu'il y a même des era de ballroom oui. codifiés oui. avec des couleurs. Donc il y a comme le red era qui est comme plus la période de genre, je pense, I'm saying, I think, je pense genre de 85 à 91 où on voit genre le. Comme, un genre ballroom boom. Premier genre. Boom, ouais. Donc, il y a comme plein de era avec des couleurs, ouais. Avec des années, en fait, dans le ballroom. C'est un autre le truc. Le inky code des couleurs, des airs, voyons, des airs. Yeah. J'aime ça en français. Ouais, là, des airs. Hein, c'est quoi le blonde era pis tout? Je suis dans mon air blonde. Ça se traduit pas toujours bien, hein. Mais c'est ça, mais aussi, tu sais, je sais pas, là, des fois, des affaires qui sont utilisées, genre, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un d'autre, les gens sont comme, oh my god, that was shade, t'es comme shade, c'est pas être un asshole, là. Genre, tu sais, comme, des fois, il. Shade can be being an asshole, but it like, also cannot be being an asshole. Shade can be serious or not serious. Mm-hmm. But, yeah. Je pense que les gens c'est vrai qu'il y a des termes qui sont utilisés dans la culture et comme ça vient du ballroom, ça vient de black community honnêtement parce ouais. que le AAVE est comme aussi parce qu'il faut comprendre littéralement je pense que justement une des raisons pourquoi le ballroom existe c'est parce que quand les personnes noires vont aller dans d'autres peut-être communautés, c'est très blanc et comme tu vas pas retrouver la culture dans laquelle t'as grandi, dans laquelle comme t'as mm-hmm. évolué et yeah. de voir d'autres personnes queer, trans qui parlent de la même façon que toi, qui yeah. ont le même truc et c'est exactement ça qui est arrivé aux États-Unis. Ça va être une réflexion directement de comment t'as grandi dans un sens. Ouais. If it was black community that started that, c'est sûr que ça va être une réflexion de comment black people speak, yeah. you know what I mean? Donc il y a beaucoup de termes shady que oui, ça vient du ballroom, mais qui est un terme quand même, that was used in AAVE and oui. black, the T. Mm. I mean, those are terms that also exist in the South, some of them, ouais. you know. And donc, c'est ouais. Je pense ouais. que c'est ouais. AAVE pour les gens, c'est African American Vernacular English. Oui. Et je pense aussi, il y a des personnes qui pensent, qui parlent comme le ballroom, mais non. Genre, je pense que les personnes, ouais. especially aux États-Unis, qui parlent comme. Qui viennent du ballroom, oui. comme they have a whole lingo que comme les gens savent même pas encore. Ouais. I think qu'il y a juste quelques mots qui sont sortis, mais il y a beaucoup de mots encore qui sont ouais. cachés. Non, puis aussi, en tout cas, il y a un truc de genre, il y a du monde qui sont bien campés dans un oh my god, ces mots-là sont out of reach, genre ça nous appartient pas, blablabla. Puis il y a aussi un truc. Ah, voilà. Mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, comme je comprends que genre la langue okay, évolue, puis là, c'est ça, tu sais. Puis il y a du monde qui le font, qui ont la répète, il y a du monde qui le font pour être ironique, pour rire de ceux qui ont l'air niaiseux yeah. à le faire, puis que finalement ça devient. Tu sais, au final, les choses se disent, puis c'est vrai que tu sais, comme ça. Ça évolue. Ben oui, oui. là, tu sais, puis genre c'est all good, mais on c'est. On peut vrai quand même souligner genre l'aspect vraiment. Moins nice de genre, parce que ça existe encore là, des facs qui sont comme oh my god, my inner black woman, I'm so sassy, puis ils commencent ouais, ouais, oh, ouais, ouais, à imiter. Ouais. Genre, là, je suis comme ça, c'est aller trop, ça, c'est vraiment non, non mais tu sais, ça, c'est non. Au moins savoir d'où ça vient, puis essayer d'avoir le sens le plus sharp que possible de ce que ça veut oui. dire aussi, tu sais, parce ouais. que des fois, quand c'est trop décontextualisé, oui. puis c'est juste comme là, c'est même pas ça. Pas non plus en faire dire. Ton brand. Ouais, ouais. Tu sais, moi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup réfléchi sur deux fils. Des fois, tu sais, de faire attention, pas juste être une Yas Queen Boots de House Down, genre comme si. Ouais. Ça peut vite devenir une caricature. Okay, you have to say once. You have to say once for me. Mais I love. Attends, non, non, non. Like, I know that, like, in the drag, I think y'all say, like, oh, crrr, or something like that. Ah! Genre, oh my god, I can't. Especially as a commentator, je pense que c'est comme une genre. Est-ce que ça, c'est pour comme le son qu'on fait quand on commente? Je sais pas où est-ce que ça. C'est genre. Non, mais il y avait. Cardi B. Elle a fait ça. Oh, yeah, she said, oh, crrr. Mais c'est-tu elle la première okay. ou c'est venu après? Je sais pas. Cardi B did it in another context. Je pense que ça avait aucun. Non! I don't know. Je sais pas. C'est juste que c'est très similaire au son que je fais quand pour je chante. Si quelqu'un veut se faire inviter à l'émission yeah, pour me faire un history of dans ma tête, je suis comme Je sais, parce que moi, je, I don't understand the okra. Je sais que Cardi B, ok. Ouais. I don't know. That would be really weird s'ils confondent le brr avec okra. Like, I don't know. You're right. Sayana, t'es pas juste ballroom MC, figure importante de la scène rave, genre t'es DJ, party organizer. T'as aussi été travailleuse communautaire, notamment avec Aztec, maintenant avec Projet 10. Puis t'as juste 22 ans. Yes. Genre, ça, c'est juste, t'as 22 ans. Et j'ai ma business. Mais là, c'est ouais. ça. Fait que là, t'as ouais. mixé ces deux professions-là de travailleuse communautaire et de DJ ouais. pour créer le premier studio communautaire trans rien pour élever les talents queer de la scène montréalaise. Tu veux-tu nous en parler un peu plus? Donc là, c'est comme j'ai launché la business il y a un mois. Donc, c'est business slash communautaire. Mais à la fin de la journée, c'est comme plus communautaire, mais à long terme, et je vais expliquer un peu pourquoi. That's it. Premièrement, nos services de base, c'est vraiment en fait d'offrir un espace pour utiliser de l'équipement club de DJ. Donc en ce moment, on a des ex-DJ, on veut travailler pour avoir des CDJ. En fait, c'est la même chose, c'est juste que le ex-DJ est comme compacté en genre. Il y a du monde qui a de l'argent à donner à du monde qui fasse des affaires nice, mettons ça, c'est une bonne idée. Yes, mais ouais. on va appliquer pour des grants, des ouais. bourses, tout ouais, ça, ouais, ouais. pour pouvoir avoir comme plus d'équipement mieux. Parce qu'un CDJ, ça peut être 10 000 $ donc like. It's very expensive. Mm-hmm. Donc c'est justement pourquoi on veut offrir comme de l'équipement qui se trouve dans les clubs, dans une salle à louer qui est pas très cher. Ouais. Donc, et même venir avec des amis. Donc, si vous êtes un groupe de 5, 20 $ par l'heure, vous le splittez, vous êtes, you know what I mean, you end up not paying that much. Puis, ça, c'est des trucs, c'est un service qui existe dans plusieurs villes ouais. à l'extérieur de Montréal. Pirate Studios, yeah, exactly. you know, notamment. Et c'est comme, je voulais juste, pendant la pandémie, j'étais comme, les clubs ont fermé, je pouvais plus me pratiquer autant sur club gear ouais. et c'est comme où est-ce que je peux en louer et là je trouvais que c'était super difficile, il fallait que je demande à des personnes, que je rapporte l'équipement chez eux, tout ça. Ah ouais, c'est beaucoup d'organisation. It was a lot. Donc je me disais ça serait nice d'avoir une place où les gens peuvent venir payer 20 $. J'étais comme wait, I should do this. Et là je vais commencer genre en même temps d'avoir cet espace, un espace plus communautaire, donc travailler avec des organismes qui veulent louer ou louer gratuitement la place, en fait, pour avoir des activités DJ, des cours DJ gratuitement. Yeah. Donc, si vous êtes une organisation, surtout qui travaille avec les jeunes en dessous de 25 ans, écrivez-moi à Sayana, S-Y-A-N-A, à commercial, DJT.AL, Digital Studios. Ah, voilà. Parce que, ouais, il y a plus... Et là, on va avoir comme, en fait, un programme pour les jeunes où l'espace va être gratuit qui va commencer très, très, très, très bientôt. J'essaie de vraiment clear out my schedule. Oui. Send it to the DMs du pod, comme ça, on va pouvoir juste comme relayer tout ça, toutes exact. Ces infos-là pour vous yes. en yes. Non, exactement. Donc, ouais, that's my business, puis yeah, it's going well. Thank you for everyone that's booking. That's super sweet. Shout out to you, honestly. That's like it. So inspiring. That's it. Yeah. Mais c'est surtout, en tout cas, tu sais, de, je trouve que t'es tellement dans un. Dans une perspective de genre transmission des savoirs, de elevate the community. Mm-hmm. Puis genre, c'est vraiment hot d'avoir du monde qui le font. Puis genre, legit, je m'excuse de ramener encore, mais comme moi, à 22 ans, là, je pensais pas à elevate my community, puis genre transmettre les savoirs, puis genre avoir le même. Comme props to the smarts, là, pour vrai. Là. Period. Merci, c'est vraiment gentil. Hein. Yeah, good job. Quoi? I'm still at the club crazy though. Tu l'as dit avec un nest d'affaires. Non. Je suis trop consciente du fait que les gens ne voient pas. Fait que des fois, je peux juste avoir la voix. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais j'ai quand même 20 des gens. Je suis quand même au club en train de faire des trucs de malade mental. Which, no, which is even more impressive. That's it. Like, you're not just like, oh, entrepreneur, genre waking up at 6 a.m. et genre. I'm still in the bathroom stall. Not exactly. Wow, listen. Oh, c'est une gang de 7, là, c'est correct. Bon, ben, dernier café. Dernier café. Dernier café. Dernier café. Bye. Bye. On veut caféiné, qu'on revient. Qu'on revient, on veut caféiné. Et c'était tout pour notre épisode de cette semaine. Merci Lemon d'avoir été à l'écoute. Oh my god, merci tellement Sayana et Lou d'avoir été avec nous autres. Merci à vous. Merci à vous. J'ai vraiment ri. J'ai vraiment eu du fun. C'était très, très hot. Puis là, vient le moment où on demande à nos invités si ils ont des plugs. Ouais, ben donc moi personnellement, je vais DJ à un rave d'Halloween le 5 novembre. Fuck yes! Qui s'appelle Banshee. Et, ouais. Entre autres, il va y avoir des DJ comme Honey Drip, qui est comme connu sur la scène, Anna Bassin, MDSM. Pour vrai, le venue est incroyable, genre ça vaut la peine. The Letter, etc., etc. Il va y avoir trois salles. Donc c'est vraiment un gros rave à ne pas manquer. Donc le 5 novembre, et vous pouvez le retrouver sur mon Instagram, je vais le promouvoir dans mes stories et dans mes posts. Mm-hmm. Mon Instagram, c'est lafomme, L-A-F-H-O-M-M-E. Puis Banshee, c'est avec deux E ou juste un E? Ouais, c'est ça, B-A-N-C-H-E-E. S-H-E-E. J'ai dit CH? Ouais. Je pensais SH. Je vous jure que dans ma tête, pendant que Sayana cherche ses plugs, moi, je vais vous dire, moi, vous l'organisez votre 5 novembre. Moi, vous l'organisez votre 5 novembre parce que moi, je suis au Snowflake Comedy Show. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais là, c'est la fois que là, vous pouvez vous dire, ah oui, c'est pas passé. C'est avant là. Non, c'est pas passé. Vous pouvez encore y aller. C'est au Jockey, coin Chambord Saint-Zotique, à 20h, c'est 15$. Ça va être le fun. Vous pouvez suivre snowflake.comedy sur Instagram pour être au courant, acheter des billets, avoir hâte et qu'on vienne tous rire ensemble dans la petite patrie. Oui. Moi, vous pouvez me trouver dans un voyage astral quelconque. Je fais rien de ma vie, vraiment. J'ai pas de plug. Moi, Yes. Je travaille assez comme ça. Period. Bon, là, j'ai finalement ramassé toutes ces plugs. Ok, tout le monde. Je pense. Moi, j'en ai 4 pour vous aujourd'hui. Donc, on va vous organiser après le 1er novembre. Donc, bonjour. We're gonna travel to the future. Oui. On est le 1er novembre. On est le 1er novembre. Donc, dans 3 jours, dans 3 jours, le 4 novembre, Outrageous. Mais il n'est pas encore annoncé au moment où je suis en train de... C'est comme un exclusif. Mais pour vrai, toi, t'arrives avec comme les fresh things. Yes, Outrageous. On a un super opener, mais pas opener, désolé, justement, le... Headliner, désolé. Un bouteille. Mais je sais même pas s'ils sont... Pour moi, c'est le headliner de la soirée. We have Club Eat in Montreal! No way! So, come through Club Eat. Je vais pas dire le venue, juste pour être sûr que c'est pas encore confirmé ou quoi que ce soit. Ouais, parfait. Mais je pense que c'est vraiment... Ça va être un nice venue de ce que je sais. Le Sandel. Exactement. Yes. Le 18 novembre, c'est pas encore annoncé non plus. C'est La North, donc un collectif. Je sais pas si ils se considèrent comme un collectif français. Moi, je les considère comme un collectif français. je vais aller DJ pour la patrie des Français. Yes. On se déplace à Paris. Oh wait, for le real? Petit Paname. Ouais, donc La North. Attends, tu vas à Paris? Non, génial. Donc, ça, c'est juste des Français sur le plateau. Les hosties qui viennent faire monter le loyer. Ouais. Donc... Donc, oui, le 18 novembre, La North. On a le 25 novembre, Latex Party par Chris Marker. Donc, je serai là. Encore, je pense que ça va être aux Skills, mais on sait avoir. Ça coûte cher du latex, fait que ceux qui en ont, allez le rentabiliser, allez là-bas. Oui. Et venez kinky, il y a plein de dominatrix, tu peux te faire spank dans le party, donc si tu veux une bonne claque sur les fesses, viens au latex. Pour vrai, bonne claque sur les fesses, puis genre bon set de Sienna, moi je trouve que... You know, it's a good combo. Du shibari aussi. Yes. Ah bon. Ok, ben tranquille. Je parie tout, donc c'est vraiment cool. Il n'y a plus un événement décembre, queer où il n'y a pas quelqu'un qui est accroché avec des cordes à quelque part. Là, je sais. C'est extraordinaire. Je sais. J'aime c'est... ça comment est-ce qu'on progresse toujours. Ouais, c'est tout vegan ces styles-là, il y a de la charcuterie. Ah, moi je suis vegan. Ben oui, tu vois les jambons de Bayonne accrochés dans les raves partout. Donc le tout 3 vegan, décembre. Tu dis... Yeah, je suis vegan. C'est die super. Hard. Yeah. Okay. Love veganism. Mais je respecte, you know, the meat eaters. I love y'all too. It's okay. I respect. On t'aime aussi. Le 3 décembre, Special Interest. Donc, j'ouvre pour Special Interest à Casa del Popolo avec d'autres personnes. Ah, la raison rentre pas fort à Pivot quand même. Fait que, donc, HRT à la Casa del Popolo le 3 décembre. Il y a beaucoup plus de trucs que je pense que je vais faire. Probablement 350 radio, 350 radio, which is a new Suivez-la radio. Sur tous les réseaux sociaux. Yes, suivez-moi. Sayana, oui. S-Y-A-N-A, Barbie, B-A-R-B-I. Mais c'est un 3 à la fin. Donc, yes. Sayana, Barbie, with the 3. J'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait quand on oublie quelque chose? On le dit, est-ce-tu? Ouais, exactement. Non, c'est trop tard. T'as eu ton moment. Ah, t'as eu ton moment. Bon, je vais me dépêcher, mais je commence une émission de radio sur Antenas. Ah, ben là. Ouais, les mercredis, troisième semaine du mois. OK. Donc là, ben là, on est le 1er novembre, fait que le premier que je vais faire, c'est le 19 octobre. Que t'as déjà fait, là. On est dans le futur. On est dans le futur. Ouais. Dans le futur, la prochaine, ça va être dans 3 semaines. Yes. Les mercredis de 4h à 5h p.m. Oui. Sur Antenas. Yes! Puis moi, si vous pouvez pas venir me voir au Jockey le 5 novembre, j'y serai de retour le mercredi 16 novembre. Fait qu'il y aura d'autres opportunités si vous manquez le Snowflake Comedy Show, mais je vous conseille de pas manquer. La même plug, mais plus tard. Ouais. Pour plus tard. Comme moi aussi, j'ai oublié de quoi. Fait que, en tout cas, c'est ça. J'ai oublié de vous dire que la soirée mensuelle que je co-anime allait revenir. Ben non, mais c'est pas la même soirée mensuelle par contre. Là, c'est vraiment juste une soirée. Je suis booké aussi dans une soirée régulière au Jockey. À moitié là. Pour être bien franche. Wow! On a tous du TDAH un peu. Ouais, c'est correct, c'est correct. Oui. Ben non, j'ai juste fumé du pot, mais je vais pas m'auto-diagnostiquer. Mais vous pouvez nous suivre, nous? Oui. Sur tous les réseaux sociaux? Non. Vous pouvez nous suivre, nous? Oui. Ça, c'est quelque chose qui a changé dans la saison 4. Oui. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et c'est tout. Instagram, d'accord. On gère pas d'autres réseaux. Vous avez le droit de suivre la page Facebook, c'est juste que pour vraiment peut-être poster 2 affaires à l'année. Là. Parce que ça va faire. Parce, puis est-ce qu'à un moment donné, tabarnak, on est écœuré de voir les photos de vos enfants, de vos rénaux, calices, là, nous autres, on n'a pas la même vie. Là. Oui. On peut quitter Facebook, genre, tout ensemble. Non, genre, right? Tout le monde, let's go. Control, alt, delete. Mais non, Marketplace, I have to say. Ah, Marketplace okay, is ouais, giving. Ouais. Marketplace is giving. I agree. Mais pour le contenu cringe, quand même. Ouais. Moi, Marketplace, c'est souvent ce que je pense qu'ils vont me mettre dans la longue liste des Virgo tueurs en série. Christ que le monde est innocent là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Ah, mais oui. Ça n'a pas de bon sens. Non négociable, négociez-vous, non. Je l'avais-tu déjà dit sur le show que j'étais allé acheter des panneaux pour une darkroom à. j'ai réalisé que le dude, j'étais allé avec au secondaire, mais genre, il y avait clairement, genre, sa femme, ses 3 babes derrière, c'était genre dans une maison qu'il possédait, puis moi, j'étais juste comme là, avec. avec mon mullet pis ma porn stash en train d'acheter genre des panneaux que lui utilisait dans son bureau à la maison, moi juste pour que mes amis se sucent derrière dans un club, pis j'étais comme yes, ma vie plutôt que la tienne et je suis satisfait. Ouais. En tapant le chiffre 2, FIF avec un X à la place du I parce qu'il y a de la police des mœurs qui nous surveille à tout moment, 2 FIF le matin en un mot. Puis mettez pas vos plats chauds dans le frigidaire, sacrément, ça va faire baisser la température. Dans votre frigo. Oui. Attends, tu les laisses à l'extérieur, genre toute la nuit. Ben, tu laisses te dire, là, ouais. C'est pas grave. La nuit, genre. Ben, moi, ça, c'est vraiment nord-américain de pas être capable de pas mettre les choses dans le frigo. Parce que la vie Charlie va tellement mal que son biggest concern, c'est la température de son frigo. Non, mais si tu prépares genre à 8h p.m., genre tu laisses 2h, après tu le mets dans ton frigo. Ouais, ok, je fais ça. Ouais. Mais tu sais, tu vas pas. Moi, il y a des gens qui mettent directement dedans. Moi, c'est ça que je fais. Non, mais oui, ouais. Non, right y a des gens... in the fridge. Ouais, c'est ça. Moi, juste c'est après d'avoir. Le, ben oui, comme let's go. T'as right cook, t'as mangé. Ah oui. Non, oui. Moi, puis je laisse refroidir. Ouais, non, c'est ça. C'est vrai, il faut que ça aille tiède dans le temps. Mais même pour la nourriture. On a un consensus, là. C'est comme, c'est pas bon. Le contraste est comme. Le choc est trop. Puis moi, du monde qui ça leur dérange pas d'ouvrir un Tupperware avec comme fucking plein de gouttes, genre. Non, c'est ça. Right, I agree. Exactement. Merci. Que justice soit rendue, là. Moi, mon frigidaire est cold enough, ça freeze. Mais non, mais moi, la cote. Non, mais gang, j'ai dit ça à Mané. Il fallait laisser te dire ses plats avant de les coller dans le frigo. Puis pour vrai, 5 personnes m'en ont parlé. Je suis comme, il y a aussi d'autres contenus dans mon podcast. Je dis aussi autre chose. Ceci étant dit, on va régler ça maintenant. Ma gang de sty de pas d'allure, vous allez laisser chiller vos plats 1, 2, 3 heures. Ouais, là. C'est ça. Hey! Je tiens à dire, je suis vraiment fatigué, mais je tiens à dire que Charlie a dit, il y a du contenu dans mon podcast. Puis ma première chose que j'ai pensé, c'est comme, quel autre podcast que Charlie anime? J'étais comme, de quel podcast? Ah, c'est comme celui-ci qu'on est en train d'enregistrer. Oh my god. Ah, ben, va me coucher, quelle heure là? Hey, il est 9h. Bon, on a passé son heure, on s'en va se coucher. Ouais, stop.